voilà, voilà, c'est bien tout ça. Noël arrive pour la 73e fois. Du plus ancien dont je me souvienne, c'était la messe et une orange pour étrenne. Une journée si exceptionnelle, il ne me serait pas venu sous mes cheveux l'envie d'en demander de plus belle. De quoi t'as besoin quand t'es heureux? Je ne veux pas de robot mixer, je ne veux pas que vous m'achetiez un coquet, je ne veux pas de fauteuil massant, ni à gala un abonnement. Je veux juste que vous mangez chez moi et que les petits tiennent à peu près droit. Maintenant ce que je vois, c'est du gâchis. De si beaux jouets remerciés par des cris. Ces petits chameaux sous mon propre toit, plus que mes fils, ils font la loi. Y'a même Léo devant son argent, qu'a osé dire que j'étais une ravine. Alors comme petit supplément, je lui ai mis une beigne. Ça c'était marrant. Je ne veux pas de séjour à Vichy, où je me saoulerais de la néothérapie. Je ne veux pas de nouvelles pantoufles, ou d'un décodeur, ou d'une paire de moufles. Je veux juste que vous mangez chez moi, et que les petits tiennent à peu près droit. Vous savez, mes grands et petits, depuis que Marcel il est parti, c'est pas de saloperie dont j'ai besoin, mais de visite et de mes gamins. Alors brûlons ce sapin pourri, bouffons la dinde et mangeons aussi, bazardons cette montagne de cadeaux et faites-moi vibrer. De vieille peau. Je ne veux pas de lecteur DVD, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne veux pas de sonoteur, je monte les volumes de mon téléphone. Je veux juste que vous mangiez chez moi et que les petits tiennent à peu près.